montagnes tremblent sous ta voix. Le feu descend dans la nuée. Le peuple se tient à distance quand ta sainteté se met à parler. Tu rappelles